Chapitre 9. Le champ de canne à sucre, les pécaris, le rôti de Tahiti, le ravensara, le bambou. Nous reprîmes notre route le long de la plantation de canne à sucre où nous avions construit une hutte de feuillage et où, au retour, je comptais élever une seconde ferme. Nous nous trouvions alors dans les environs de la Grande Baie, au-delà du cap de l'espoir trompé. La hutte était encore debout et nous n'eûmes besoin que d'étendre la tente en forme de toit pour nous former un excellent abri. Ne comptant y demeurer que jusqu'au dîner, nous ne fîmes d'autres préparatifs que ceux du repas. Tandis que nous étions occupés à nous régaler de canne fraîche, dont nous avions été privés depuis si longtemps, les chiens firent lever une troupe d'animaux sauvages, dont nous entendîmes distinctement la marche à travers les cannes. Je criai aussitôt aux enfants de sortir de la plantation par le chemin le plus court, afin de reconnaître à quelle espèce de gibier nous avions affaire. À peine étais-je moi-même à 50 pas dans la plaine, que je vis déboucher devant moi un nombreux troupeau de cochons de petite taille qui fuyaient à toutes jambes devant les chiens. Leur couleur grise uniforme et l'ordre admirable dans lequel ils opéraient leur retraite me les firent reconnaître pour une espèce de cochon étrangère à nos pays. À l'instant, je lâchai la double détente de mon fusil et j'eus la satisfaction de voir tomber deux des fuyards. Mais le reste de la troupe fut si peu effrayé du sort de ses compagnons que l'ordre de la marche en fut à peine dérangé. C'était un curieux spectacle que de les voir s'avancer à la file l'un de l'autre, sans que pas un cherchât à dépasser son voisin. Un régiment bien discipliné n'eût pas présenté un front plus imposant. À peine avais-je abaissé mon arme que j'entendis une décharge générale du côté où Fritz et Jack avaient pris position. Quelques nouvelles victimes jonchèrent le terrain, mais sans jeter le moindre désordre dans la marche de la colonne. Toutes ces circonstances me démontrèrent clairement que nous avions affaire à un troupeau de cochons musqués, autrement appelé tajacus, et je savais que dans ce cas, le plus pressé était d'enlever à l'animal sa poche odorante si l'on ne veut pas que la matière huileuse pénètre toute la chair. Je me dirigeai donc vers l'endroit du carnage au moment où Fritz et Jack y arrivaient de leur côté pour prendre possession de leur butin. Mes nouvelles observations m'ayant confirmé dans ma première pensée relativement à la nature et à l'importance de notre chasse, j'ordonnai aux enfants de faire subir aux morts l'opération indispensable. Notre opération fut interrompue par le bruit de deux coups de feu dans la direction de la cabane, vers l'endroit où nous avions laissé Frances et sa mère. Je me hâtai de leur dépêcher Jack pour annoncer notre retour et ramener le chariot dont nous avions besoin pour rapporter le butin de la matinée. En attendant le retour de notre messager, nous rassemblâmes les cochons en un seul monceau que nous recouvrîmes de cannes à sucre et qui nous servit de siège jusqu'à l'arrivée du chariot. Ernest, qui l'accompagnait, nous apprit que la troupe, après s'être dirigée du côté de la cabane, avait fini par se réfugier dans la forêt de bambous. Les deux coups de fusil que nous avions entendus avaient fait de nouvelles victimes. « Je crois, ajouta-t-il, que le reste de la troupe s'est réfugié dans l'étang au bambou, au nombre de 30 à 40, mais la colonne était si serrée qu'il m'a été impossible de les compter. » J'engageai les chasseurs à charger le butin sur le chariot s'il leur paraissait trop lourd pour l'emporter. Fritz pensait que nous pourrions charger ces animaux sur le chariot et qu'il fallait commencer par les dépouiller. « Ils ont à peine 3 pieds de long, ajouta-t-il, et c'est vraisemblablement de la race de Tahiti. » Je lui répondis qu'ils appartenaient plutôt à la race chinoise ou siamoise qui se rencontre en Amérique. « Au reste, ajoutai-je, je suis d'avis de les dépouiller sur place, car ils auraient le temps de se corrompre jusqu'à notre retour. » Malgré tout notre zèle et notre activité, nous ne fûmes pas en état d'achever notre besogne pour l'heure du dîner. Une fois dépouillés, les cochons furent chargés sur le chariot sans difficulté et nous reprîmes en triomphe le chemin du camp. Ma femme nous reçut avec sa joie accoutumée. « Vous m'avez bien fait attendre, ajouta-t-elle. Comme il ne faut pas songer à continuer notre route aujourd'hui, j'ai fait tout préparer pour une nouvelle halte. Mais d'abord, mettez-vous à table et mangez ce que je viens de servir. » On lui fit voir alors le chargement du chariot, et ses enfants lui présentèrent un paquet de cannes à sucre choisies, en lui disant qu'elle devait avoir autant besoin de rafraîchissement que nous. « Ma femme, je vous remercie, mes enfants, de n'avoir pas oublié votre mère. Mais dites-moi ce que vous voulez faire de cette provision de cochons. Et pourquoi en avez-vous tiré un si grand nombre à la fois? Vous avez coutume d'être plus économe des présents de la nature. » « Moi, le hasard est plus coupable que nous, ma chère. Nous étions tous armés et chacun a tiré sans s'inquiéter de son voisin. Au reste, nous ne rencontrerons pas de sitôt une occasion pareille. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mal à diminuer le nombre de ces maraudeurs dont la présence est funeste à nos cannes à sucre et qui finiraient par détruire cette importante plantation. Nous salerons les plus gras et le reste nourrira nos fidèles compagnons de chasse. Fritz, cher père, voulez-vous me permettre de vous régaler demain avec un rôti à la manière de Tahiti ? Ernest, mais il te faudrait des feuilles de bananier. Fritz, les premières feuilles venues suffiront, pourvu qu'elles soient grandes et solides. Moi, va pour demain, car aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à faire. Il faut d'abord élever une hutte. Ensuite, il faudra dépouiller ceux des cochons qui sont demeurés entiers, saler les autres et les suspendre dans la hutte. Cette longue besogne nous retiendra bien ici une couple de jours. Jack et Fritz, tant mieux, c'est un si bon endroit. Par où allons-nous commencer, mon cher père? Moi, vous pouvez rassembler des pieux et des branchages pour la construction de la hutte, tandis que votre mère et moi nous occuperons de la salaison. Après un repas tout à fait militaire, nous nous mîmes à la besogne. Mais bientôt l'épaisse fumée qui remplit la cabane, lorsque nous eûmes commencé à présenter au feu la peau de nos cochons, força chacun d'abandonner précipitamment sa tâche pour aller respirer au grand air. Je partageai les animaux par quartier, en remarquant que le lard ne se trouvait pas immédiatement sous la peau, comme chez les cochons domestiques, mais répandu dans la masse de chair, comme chez les espèces sauvages. Puis nous préparâmes les quartiers selon la méthode indiquée, en attendant la cabane qui ne fut prête que le soir du jour suivant, car la matinée avait été employée aux préparatifs du rôti tahitien et Fritz avait profité de ma permission pour réclamer l'aide de ses frères dans la construction de son fourneau. Nos cuisiniers commencèrent par creuser une fosse circulaire au fond de laquelle ils allumèrent un feu de canne sèche destiné à faire rougir les cailloux dont elle était à moitié remplie. Le cochon fut dépouillé, vidé, lavé et entouré de patates et de choux aromatiques. Le sel ne fut pas oublié, car nous étions peu disposés à imiter les Tahitiens dans leur antipathie pour cet assaisonnement. Pendant ces préparatifs, ma femme hochait la tête et murmurait entre ses dents. « Pour l'amour du ciel, un cochon tout entier, dans un fourneau de terre, avec des cailloux rougis au feu, ce sera un délicieux régal pour des estomacs friands, en vérité. » Malgré ces réflexions, l'excellente femme ne nous épargna pas ses conseils sur la manière dont il fallait disposer l'animal pour qu'il pût paraître sur la table d'une manière décente, mais sans se promettre un résultat bien satisfaisant de ses peines. À défaut de feuilles de bananier, j'avais recommandé à Fritz d'envelopper son rôti dans des écorces d'arbres pour le garantir de la cendre. On forma donc un lit d'écorce au fond de la fosse, immédiatement au-dessus des cailloux rougis. Le rôti fut déposé avec soin dans son enveloppe et recouvert d'une seconde couche de feuilles qui reçut le reste des cailloux et de la cendre chaude. Tout l'appareil disparut bientôt sous une épaisse couche de terre et demeura abandonné à lui-même. La mère, qui avait regardé l'opération d'un air pensif et les bras croisés, s'écria alors, les mains levées au ciel avec un désespoir comique. « Voilà en vérité une misérable cuisine. Elle peut être bonne pour un sauvage, mais je doute qu'elle soit du goût d'un bon Suisse qui, grâce à Dieu, c'est ce que c'est qu'un fourneau et une broche. Fritz, pensez-vous que les voyageurs aient menti en assurant que ce genre de rôti n'est pas sans charme, même pour les Européens? Moi, c'est ce dont nous allons faire l'expérience bientôt. En attendant, aidez-moi tous à achever notre cabane, car voilà 40 jambons qui ne demandent qu'à être fumés. S'ils étaient de la grosseur de nos jambons du Nord, nous aurions pour 2 ans à en faire bonne chair. Mais il faut nous contenter de ce que la Providence nous envoie. Grâce à nos efforts réunis, la hutte fut bientôt achevée et mise en état de recevoir toute la provision. Nous allumâmes alors, dans le foyer, un grand feu d'herbes et de feuilles fraîches, en ayant soin de fermer hermétiquement toute issue à la fumée. De temps en temps, on fournissait au foyer de nouveaux aliments, en sorte qu'en 2 jours, la chair de nos jambons se trouva parfaitement fumée. Le résultat de l'opération de Fritz ne se fit pas si longtemps attendre. Au bout de 2 heures, nous allâmes déterrer le merveilleux rôti et une délicieuse odeur d'épices qui s'exhala de la fosse aussitôt qu'elle eut été débarrassée de la cendre et des pierres, nous prouva que l'entreprise avait réussi au-delà de toute espérance. En cherchant à deviner les causes du parfum inaccoutumé qui frappait mon odorat, je finis par découvrir qu'il fallait l'attribuer à l'écorce qui avait servi d'enveloppe. Fritz n'était pas médiocrement triomphant du succès de son premier essai de cuisine sauvage, malgré les malicieuses observations d'Ernest qui assurait qu'il fallait en rendre grâce à l'enveloppe. Le rôti fut bientôt entamé et jugé savoureux à l'unanimité des suffrages. Nous donnâmes alors une nouvelle preuve de l'insatiable ambition de l'esprit humain, car il fut résolu d'employer désormais dans la cuisine ces feuilles précieuses qui avaient donné un si délicieux parfum à notre rôti. Aussitôt après le repas, mon premier soin fut de me faire conduire à l'arbre qui avait fourni les feuilles aromatiques. J'en recueillis quelques-unes pour les jeter sur le feu de la cabane, et le résultat ne fut pas moins favorable que la première fois. Les enfants reçurent l'ordre de rassembler quelques rejetons de cet arbre précieux afin d'en essayer une plantation autour de notre demeure. Pendant que ma femme débarrassait la table des restes du repas, Ernest fit entendre un gros soupir suivi de ces mots. « Après un bon morceau, il faut un bon coup », disait Ulysse au cyclope qui venait d'avaler une couple de ses compagnons. Tout en riant du fond du cœur de cette exclamation, je permis aux plaintifs convives d'ouvrir nos 2 meilleures noix de coco, mais de réserver un chou palmiste pour le souper et de faire en même temps une petite provision de vin de palmier pour le soir, double commandement qu'il exécuta avec une résignation vraiment héroïque. Après avoir cherché longtemps si mes souvenirs ne me donneraient pas quelques renseignements sur l'arbre inconnu que nous venions de découvrir, je crus me rappeler que c'était une production de Madagascar où on lui donne le nom de Ravensara, c'est-à-dire « bonne feuille », le nom botanique est Agathophyllum, ou même Ravensara aromatica. Son tronc est épais et son écorce exhale une odeur aromatique, ainsi que les feuilles qui ont beaucoup d'analogie avec la feuille du laurier. On en distille une liqueur qui réunit les 3 parfums de la muscade, du girofle et de la cannelle. On tire aussi des feuilles une huile aromatique d'un grand usage dans la cuisine indienne et aussi estimée que le girofle. Le fruit du Ravensara est une espèce de noix dont le parfum est plus faible que celui des feuilles. Le bois en est blanc, dur et sans odeur. Comme nos diverses opérations devaient nous retenir encore 2 jours dans le même lieu, nous en profitâmes pour faire de grandes excursions, ne rentrant qu'à l'heure des repas ou à la fin du jour. L'après-midi de la seconde journée, j'entrepris d'ouvrir à travers la forêt de bambous une route assez large pour donner passage à notre chariot. Nous fûmes récompensés de ce travail par plusieurs découvertes d'une grande utilité. Je remarquai, entre autres, un grand nombre de bambous de la grosseur d'un arbre ordinaire et de 50 à 60 pieds de haut, dont la tige nous promettait d'excellents conduits d'eau, ou même des vases fort utiles, selon la manière dont elles seraient taillées. En laissant le nœud d'en haut et le nœud d'en bas, nous avions un baril. En coupant le premier, il nous restait un bassin d'une dimension raisonnable. Enfin, en enlevant les 2 nœuds, nous obtenions un canal propre à 1000 usages domestiques. Chaque nœud était entouré d'épines longues et dures, dont je n'oubliais pas de faire une provision pour remplacer nos clous de fer quand il s'agirait de travailler du bois tendre. Je remarquai bientôt que les jeunes bambous offraient à chaque nœud une substance analogue au sucre de canne et qui, desséchée aux rayons du soleil, prenait l'aspect de la fleur de salpêtre. Les enfants en recueillirent environ 1 livre dont ils se proposaient de faire présent à leur mère. Lorsque nous eûmes commencé à nettoyer le sol afin de débarrasser la voie de notre chemin, je découvris une quantité de jeunes pousses que l'épaisseur du taillis nous avait empêché d'apercevoir jusque-là. Elles se laissaient couper au couteau, comme de jeunes citrouilles, et me parurent composées, comme le chou palmiste, d'un faisceau de feuilles superposées. Elles étaient d'un jaune pâle et de la grosseur d'un pouce environ. Cette ressemblance m'ayant fait conjecturer qu'elles devaient être bonnes à manger, je rassemblai une petite provision pour notre cuisine. L'essai me parut présenter d'autant moins d'inconvénients qu'il était urgent de les détruire si nous ne voulions pas avoir bientôt notre route disparaître sous une nouvelle forêt. Le soir de cette journée féconde en découverte, nous retournâmes pleins de fierté auprès de ma femme, qui ne fut pas peu surprise à la vue de notre nombreuse récolte. Les nouveaux vases pour le service domestique et le sucre de bambou intéressèrent au plus haut point sa curiosité. En bonne ménagère toutefois, elle songea d'abord au plus solide et serra les rejetons de bambou avec le vin de palmier et les feuilles de ravensara afin d'en faire plus tard un usage éclairé dans la cuisine. Le jour suivant fut consacré à une excursion du côté de Prospect Hill, où nous arrivâmes au bout de 2 heures. Mais à mon grand chagrin, je trouvai toute l'habitation dévastée par une troupe de singes, et je ne pus m'empêcher de donner au diable cette race maudite et de jurer en moi-même son entière destruction. Les moutons étaient épars dans les environs, les poules dispersées, et les cabanes en si mauvais état qu'il aurait fallu plusieurs jours pour les réparer. Il fallait en finir avec les pillards si nous ne voulions pas voir nos plus beaux travaux anéantis. Toutefois, je dus ajourner mes projets de vengeance afin de ne pas interrompre l'entreprise importante qui nous occupait. Malgré mon découragement, lorsque je réfléchis à notre bonheur dans tout le reste, il me sembla que cette mésaventure n'était rien en comparaison de la prospérité qui accompagnait toutes nos entreprises. Si nous n'avions éprouvé de temps en temps quelques vicissitudes de la fortune au milieu de notre paradis terrestre, qui sait si nous n'aurions pas fini par tomber dans l'orgueil et dans la paresse. Le 4e jour, aucun motif ne nous retenant plus au lieu de notre halte, nous nous remîmes en route par une matinée délicieuse, en suivant la nouvelle route et avec la perspective d'atteindre avant 2 heures le but tant désiré de notre expédition. Chapitre 10. Arrivé à l'écluse, excursion de la savane, l'autruche, la tortue de terre. Nous arrivâmes sans mésaventure à l'extrémité de la forêt de bambou et je fis faire halte au bord d'un petit bois dans le voisinage de l'écluse. La jonction du bois avec une chaîne de rochers inaccessibles faisait de ce lieu une position admirablement fortifiée par la nature. L'écluse, proprement dite, c'est-à-dire les 3 défilés entre le fleuve et la montagne qui séparaient notre vallée de l'intérieur du pays, se trouvait à une portée de fusil en avant de nous. Le bois nous protégeait de toutes parts, et néanmoins la position était assez élevée pour permettre à notre artillerie de dominer la plaine de l'intérieur. Fritz, voici une admirable position pour y élever un fort et foudroyer l'ennemi qui voudrait entrer sans permission dans notre chère vallée. À propos, mon père, je vous ai entendu hier nommer la Nouvelle-Hollande. Croyez-vous donc, en effet, que nous nous trouvions dans le voisinage de cette partie du monde? Moi. Mon opinion est que nous sommes sur le rivage septentrional de la Nouvelle-Hollande. Mes présomptions se fondent sur la position du soleil, aussi bien que sur mes souvenirs relativement à la route tenue par le vaisseau avant son naufrage. Il y a encore une foule de petites circonstances dont la réunion semble augmenter la vraisemblance de mes calculs. Ainsi, nous avons les pluies des tropiques et les principales productions de ces fertiles contrées, la canne à sucre et le palmier. Mais dans quelques régions que le hasard nous ait jetées, nous n'en habitons pas moins la grande cité de Dieu, et notre sort est au-dessus de nos mérites. Fritz était d'avis d'élever dans ce lieu quelques bâtiments dans le genre des cabanes d'été du Kamtchatka. Cette idée me plut, et nous résolûmes de la mettre à exécution à notre retour. Mais avant tout, il fallait une reconnaissance dans l'intérieur du petit bois, sur la lisière duquel avait eu lieu la délibération, afin de nous assurer que le voisinage n'offrait aucun danger. Notre excursion s'acheva paisiblement et sans autre rencontre que celle d'une couple de chats sauvages qui semblaient faire la chasse aux oiseaux et qui se hâtèrent de prendre la fuite à notre approche. Bientôt nous les perdîmes de vue sans nous en inquiéter davantage. Le reste de la matinée s'écoula bien vite et elle fut suivie de quelques heures d'une chaleur si violente qu'il fallut renoncer à toute occupation. Lorsque la fraîcheur du soir nous eut rendu quelques forces, Nous les employâmes à mettre la tente en état de nous recevoir, et le reste de la soirée se passa en préparatifs pour le lendemain, qui était le jour destiné à la mémorable excursion dans la savane. J'étais prête à la pointe du jour. J'emmenais avec moi les trois aînés, parce que je croyais prudent de n'entrer en campagne qu'avec des forces imposantes. La mère demeura avec Franz à la garde du chariot, des provisions et du bétail, car nous voulions nous débarrasser de tout ce qui pouvait entraver notre marche. Après un déjeuner réconfortant, nous prîmes joyeusement congé de la garnison et nous nous trouvâmes bientôt près de l'écluse, au pied de notre ancien retranchement. Il était facile de reconnaître du premier coup d'œil que c'était cet endroit qui avait servi de passage aux Boas, aussi bien qu'à la troupe de Pécari. Les pluies et les orages, les torrents de la montagne, enfin les singes, les buffles et tous les autres habitants de cette contrée inconnue semblaient avoir fait alliance pour détruire le premier ouvrage de l'homme sur leur sauvage domaine. Avant d'entrer dans la savane, nous fîmes halte pour contempler l'immense plaine qui se déroulait devant nos regards. À gauche, au-delà du fleuve, s'élevaient de nombreuses montagnes couvertes de magnifiques forêts de palmiers. À droite, des rochers menaçants qui semblaient percer les nuages et dont la longue chaîne, s'éloignant graduellement de la plaine, laissait à découvert un horizon à perte de vue. Jack et moi, nous ne tardâmes pas à reconnaître le marécage où nous avions pris notre premier buffle. Puis nous dirigeâmes notre marche vers le sommet d'une colline éloignée qui nous promettait un panorama général de toute la contrée. Nous avions traversé le ruisseau, et au bout d'un quart d'heure de marche, le pays ne nous offrit plus qu'un désert aride où la terre, brûlée par le soleil, était sillonnée par de profondes crevasses. Par bonheur, chacun de nous avait eu la précaution de remplir sa gourde, car toute trace d'humidité avait disparu et le petit nombre de plantes que nos regards rencontraient se traînait sans force sur le sol dévoré. J'avais peine à comprendre comment une demi-heure de marche pouvait avoir ainsi totalement changé l'aspect de la contrée. « Cher père, me dit enfin Jack, sommes-nous venus jusqu'ici dans notre première expédition ?»« Moi, non mon enfant, nous sommes à 2000 plus loin et nous voici au milieu d'un véritable désert. Pendant les pluies des tropiques et quelques semaines après, le terrain se couvre d'herbes et de fleurs. Mais aussitôt que le bienfaisant arrosement du ciel a cessé, la végétation disparaît pour ne renaître qu'à la saison prochaine. » Pendant quelque temps, le silence de notre marche ne fut interrompu que par des soupirs et des gémissements, entrecoupés des exclamations suivantes. « Arabia Petroa, pays de désolation et de malédiction, voici assurément le séjour des mauvais esprits. Moi, courage et patience, mes chers enfants, vous connaissez le proverbe latin, per angusta ad augusta. Qui sait si la cime de la montagne ne nous réserve pas quelque consolation inattendue, si ces flancs ne vont pas nous offrir quelque source enchantée. Après une marche pénible de plus de 2 heures, nous parvînmes, épuisés de fatigue, au terme de notre route, et chacun se laissa tomber à l'ombre du rocher, sans que la chaleur et l'épuisement nous permissent de chercher un meilleur gîte. Pendant plus d'une heure, nous demeurâmes en silence dans la contemplation du spectacle qui s'offrait à nos regards. Une chaîne de montagnes bleuâtres terminait l'horizon à une distance de 15 à 20 lieues devant nous et le fleuve serpentait dans la plaine à perte de vue au milieu de ses deux rives verdoyantes, semblables à un ruban d'argent sur un tapis d'une couleur sombre et uniforme. Depuis quelque temps, le singe et les chiens nous avaient quittés, mais personne ne songea à les poursuivre. Nous ne pensions qu'à nous reposer et rafraîchir nos lèvres avec le suc de quelques cannes à sucre qui remplissaient ma gypsière. La faim ne tarda pas à se faire sentir, et nous nous assîmes avec plaisir autour des restes du pécari. Il est encore heureux, remarqua Fritz, de se trouver muni d'un morceau de rôti dans une contrée aussi peu fertile en fruits et en gibier. Quel rôti ? Interrompit Ernest. Il me rappelle le rôti du cheval des Tatars, cuit sous la selle d'un cavalier du désert. Ah ! Reprit Jack, les Tatars mangent donc la chair du cheval ? « Oui, lui répondis-je, mais quant au mode de cuisson, il faut croire qu'il y a là quelque méprise des voyageurs. » Fritz, qui venait de se lever pour examiner les environs, s'écria tout à coup. « Au nom du ciel, qu'est-ce que j'aperçois là-bas ? Il me semble voir 2 hommes à cheval, En voici un troisième, et les voilà qui se dirigent vers nous au grand galop. Ne seraient-ce pas des Arabes ou des Bédouins ? Moi, ni l'un ni l'autre, selon toute apparence. Et d'ailleurs, quelle différence fais-tu entre un Arabe et un Bédouin, lorsque tu dois savoir que le Bédouin n'est autre chose que l'Arabe du désert ? Maintenant, Fritz, prends ma lunette d'approche et dis-nous ce que tu aperçois. Fritz, je vois un grand troupeau d'animaux paissants, une multitude de meules de foin et des chariots chargés qui sortent du taillis pour se diriger vers le fleuve et qui regagnent ensuite leur retraite. Toute cette scène me paraît étrange, sans qu'il me soit possible de la suivre distinctement. Jack, le grave Fritz me fait tout l'effet d'un visionnaire. Laisse-moi regarder à mon tour. Oui, oui, j'aperçois des lances avec leur banderole flottante. Il faut appeler les chiens et les envoyer à la découverte. Ernest, passe-moi la lunette à mon tour. En vérité, voici un quatrième cavalier qui se joint aux trois premiers. D'où peut-il être sorti ? Il faut nous tenir sur nos gardes et songer à la retraite. Moi, laisse-moi regarder. Ma vue, pour être moins perçante que la vôtre, n'en est peut-être que plus sûre. Je crois que nous en avons déjà fait l'expérience une ou deux fois. Tes chariots et tes meules de foin, mon pauvre Fritz, me donneraient quelque inquiétude si par bonheur nous n'étions hors de leur portée, car je présume que ce sont des éléphants ou des rhinocéros. Quant aux animaux paissants, il est facile de les reconnaître pour des buffles et des antilopes. Et maintenant, les cavaliers arabes, les pillards menaçants du désert, prêts à fondre sur nous, ce sont... Ne saurais-tu me le dire, mon cher Jack ? Jack, des girafes peut-être ? Moi, pas mal deviné, quoique tu sois encore au-dessous de la réalité. Nous nous contenterons pour cette fois de voir dans ces animaux des autruches ou des casoars. Il faut leur faire la chasse afin d'en prendre une vivante ou du moins de rapporter un trophée de plumes d'autruche. Fritz et Jack, ô cher père, quel bonheur d'avoir une autruche vivante. Un grand plumet sur nos chapeaux ne serait pas non plus à dédaigner. À ces mots, ils coururent vers l'endroit où ils avaient vu les chiens s'enfoncer, tandis qu'Ernest et moi nous profitâmes de l'épaisseur d'un bosquet voisin pour échapper au regard des animaux qu'il fallait approcher. Je ne tardai pas à reconnaître, parmi les plantes qui nous entouraient, une espèce de forbe assez fréquente dans les endroits rocailleux. C'était le titimal des apothicaires, dont le suc, bien que vénéneux, est d'un assez grand usage en médecine. Je fis à la hâte quelques incisions dans les tiges qui se rencontrèrent sous ma main, en me réservant d'en recueillir moi-même le suc qui en découlerait. Ernest, préoccupé de notre nouvelle entreprise, ne remarqua pas l'opération. Nous ne tardâmes pas à être rejoints par Fritz et Jack, qui ramenaient la meute et leurs fidèles compagnons. Le singe et les chiens avaient puisé dans l'eau une nouvelle activité de bon augure pour le résultat de notre entreprise. Nous tîmes aussitôt conseil sur la manière dont il fallait ordonner l'attaque, car nous nous trouvions maintenant assez près des autruches sans défiance pour suivre de l'œil tous leurs mouvements et leurs jeux. Je comptai 4 femelles et un seul mâle, reconnaissable à son plumage d'une blancheur éblouissante. Je recommandai aux chasseurs d'en faire le principal point de mire de leur attaque. Moi, c'est là que Fritz va faire merveille avec son aigle, car qui sait si nous autres, pauvres bipèdes, nous viendrons à bout de notre capture. Enfin, chacun fera de son mieux. Jack, voilà Ernest qui a déjà gagné le prix de la course, et Fritz et moi qui ne sommes pas tant à dédaigner. Moi, je sais que vous êtes d'excellents coureurs pour votre âge, mais aucun de vous n'est encore de la force de l'autruche dont la course égale la rapidité du vent et qui défie le galop du cheval le mieux exercé. Fritz, mais alors, comment les Arabes du désert parviennent-ils à s'en rendre maîtres ? Moi, ils les chassent à cheval lorsqu'ils ne peuvent parvenir à s'en emparer par surprise. Jack, comment peuvent-ils les chasser à cheval d'après ce que vous venez de nous dire tout à l'heure ? Moi, dans ce cas, même les chasseurs emploient un artifice fondé sur les habitudes de l'animal. On a observé que les autruches décrivent dans leur fuite un grand cercle de 2 à 3 lieues de circonférence. Les chasseurs, rassemblés d'abord en une seule troupe, se répandent rapidement sur les différents points que l'autruche doit parcourir en décrivant son cercle, et ils finissent par s'en rendre maître lorsque, épuisée de fatigue, elle est hors d'état de continuer sa course. Ernest, c'est alors que la pauvre bête cache sa tête dans un buisson ou derrière une pierre, croyant ainsi échapper à tous les regards. Moi, On ne peut connaître le mobile d'un animal dépourvu de raison. Selon toute apparence, la pauvre créature met sa tête à l'abri parce que c'est la plus faible partie d'elle-même. Ou peut-être ne prend-elle cette position que pour mieux se défendre avec ses jambes, car on a remarqué que le cheval prend la même position lorsqu'il veut saluer son ennemi d'une ruade. Quoi qu'il en soit, nous sommes à pied, et tout l'art du cavalier nous est superflu. Il faut donc tâcher d'envelopper l'ennemi et de l'abattre à coups de fusil. Mais avant tout, commencez par retenir les chiens, car ces animaux se défient plus encore du chien que de l'homme. Si les autruches s'enfuient avant que nous soyons à portée, vous lâcherez la meute, et Fritz déchaperonnera son aigle. Leurs efforts réunis parviendront peut-être à arrêter un des fuyards, de manière à nous donner le temps d'accourir. Mais je vous recommande encore une fois l'autruche blanche, car son plumage est plus précieux et son service plus utile. Après nous être séparés, nous commençâmes à nous avancer pas à pas vers les animaux sans défiance, en faisant nos efforts pour leur dérober notre marche. Mais parvenus à environ 200 pas, il devint impossible d'échapper plus longtemps à leurs regards. La troupe commença alors à manifester une certaine agitation. Nous fîmes halte en retenant les chiens près de nous. Les autruches, tranquillisées par notre silence, firent quelques pas vers nous en manifestant leur surprise par des mouvements bizarres de la tête et du cou. Sans la patience de nos chiens, je crois que nous aurions pu les approcher assez pour leur jeter nos lazos. Mais les chiens, étant parvenus à s'échapper ou à briser nos liens, toute la meute s'élança sur le mâle qui s'était avancé bravement à quelques pas en avant du reste de la troupe. À cette attaque imprévue, les pauvres animaux prirent la fuite avec la rapidité d'un tourbillon emporté par le vent. C'est à peine si on les voyait toucher la terre. Leurs ailes étendues, comme des voiles gonflées par le vent, ajoutaient encore à la rapidité de leur course. La rapidité prodigieuse avec laquelle les autruches se dérobaient à nos poursuites ne nous laissait aucun espoir, et au bout d'un instant, nous les avions déjà presque perdus de vue. Mais Fritz n'avait pas été moins prompt à déchaperonner son aigle et à le lancer sur la trace des fuyards. Celui-ci, prenant son vol avec la rapidité de l'éclair, alla s'abattre sur l'autruche mâle avec un effort si puissant qu'il lui sépara presque le cou du reste du corps, et le bel animal tomba sur le sable dans les convulsions de l'agonie. Nous nous précipitâmes sur le champ de bataille pour prendre l'animal vivant s'il en était encore temps. Mais les chiens nous avaient précédés, et d'ailleurs, l'aigle ne les avait pas attendus pour achever son ouvrage. Après avoir contemplé avec consternation le funeste dénouement de notre chasse, il ne nous restait plus qu'à en tirer le meilleur parti possible. Une fois débarrassés des chiens et de l'aigle, nous retournâmes l'animal afin de nous emparer des plus belles plumes de sa queue et de ses ailes, et nos vieux chapeaux reprirent un aspect de jeunesse sous ses dépouilles triomphales. Nous promenions notre nouvelle parure avec autant de fierté que les caciques mexicains, et je ne pus m'empêcher de rire de l'orgueilleuse sottise de l'homme qui orne sa tête de la dépouille arrachée aux parties les moins nobles d'un animal sans défense. Après un examen approfondi de l'autruche, Fritz s'écria : C'est pourtant dommage que ce bel animal soit mort, car il porterait sans peine 2 hommes de ma taille. Je suis certain qu'il a au moins 6 pieds de hauteur, sans compter le cou, qui en a bien 3 à 4 à lui tout seul. Ernest, comment de pareilles troupes d'animaux peuvent-elles demeurer dans des déserts qui offrent si peu de ressources pour leur nourriture ? Moi, si les déserts étaient totalement arides, la question serait difficile à résoudre. Mais ils renferment toujours quelques bosquets de palmiers et de plantes qui peuvent servir de pâture aux animaux. Il faut observer, en outre, que la plupart des habitants du désert sont organisés de manière à supporter de longs jeûnes. Et leur course est si rapide qu'ils traversent sans s'arrêter d'immenses étendues de sables arides. Fritz, à quoi servent ces espèces d'épines dont les ailes de l'autruche sont armées? Moi, c'est probablement une défense contre leurs ennemis qu'ils combattent à grands coups d'ailes. Jack, est-il vrai que l'autruche se serve de ses doigts de pied pour lancer des cailloux derrière elle lorsqu'elle est poursuivie? Ce serait un trait d'intelligence remarquable dans un pareil animal. Moi, le cheval aussi, lorsqu'il galope, fait voler sous ses pieds le sable et les cailloux, et il n'y a pas plus de raisonnement de sa part que de la part de l'autruche. Fritz, les autruches ont-elles un cri particulier? Moi, Elles font entendre pendant la nuit un cri plaintif, et pendant le jour une espèce de rugissement semblable à celui du lion. Ernest et Jack avaient disparu de nos côtés, et je les aperçus bientôt à une certaine distance sur les traces du chacal qui semblait leur servir de guide. Ils s'arrêtèrent auprès d'un buisson, nous faisant signe de les rejoindre au plus vite. En approchant, nous entendîmes des cris de joie au milieu desquels il était facile de reconnaître ces mots. « Un nid d'autruche ! Un nid d'autruche !» Et nous aperçûmes les chapeaux voltiger en l'air en signe d'allégresse. Lorsque je fus arrivé près d'eux, j'aperçus en effet un véritable nid d'autruche, mais il consistait simplement en une légère excavation dans le sable contenant 30 œufs de la grosseur d'une tête d'enfant. Moi, voici une découverte excellente, seulement gardez-vous bien de déranger les œufs, de peur d'effaroucher la couveuse, et alors nous pourrons prendre notre revanche de la malheureuse chasse de ce matin. Mais dites-moi donc, comment vous êtes parvenu à découvrir ce nid si bien caché ? Ernest, la femelle qui s'est envolée la dernière, m'ayant semblé sortir de terre à notre approche, je remarquai bien la place où je l'avais vue se lever. Il me vint aussitôt à la pensée qu'elle était peut-être sur son nid, et appelant à mon aide le chacal, nous suivîmes ses traces qui nous amenèrent où nous sommes. Mais à notre arrivée, le chacal avait déjà eu le temps de briser un œuf et d'en dévorer le contenu. Jack, oui, oui, et le petit était déjà presque formé et prêt d'éclore. Moi, voilà encore un tour de ce maudit chacal. Ne pourra-t-on jamais le corriger de ses penchants destructeurs ? Fritz, maintenant, qu'allons-nous faire de cette provision de d'autruche ? Jack, il faut les emporter et les enfouir dans le sable pour les faire éclore. Moi, voilà qui est facile à dire, mais tu aurais dû commencer par en calculer le nombre et la grosseur. Chaque œuf pèse au moins 3 livres, ce qui donne un total de 90 livres. Et d'ailleurs, comment les déplacer sans les briser ? Le meilleur parti est de les laisser ici jusqu'à demain matin, et de revenir les chercher avec le chariot ou avec une de nos bêtes de somme. Fritz, ah, cher père, permettez-nous d'en prendre un ou deux comme échantillons, ils sont si curieux. Moi, je vous laisse toute liberté à cet égard, mais levez-les avec le plus grand soin, car lorsque la couveuse remarque le moindre désordre dans son nid, elle brise tout ce qu'il contient, ce qui ne ferait pas notre affaire. Ils ne se le firent pas répéter 2 fois, mais bientôt je les vis dans un grand embarras pour venir à bout de leur fardeau. Sentant que mes conseils leur étaient nécessaires, je leur fis couper quelques tiges de bruyère en les engageant à suspendre un œuf à chaque extrémité, de la même manière que les laitières hollandaises portent leur pot de lait. En quittant le nid, nous avions pris la précaution d'en marquer la place avec une espèce de croix en bois, afin de ne pas nous tromper le lendemain. Pour regagner notre halte du matin, nous nous rapprochâmes des rochers et je résolus d'aller retrouver au plus vite la caverne du chacal afin d'y passer le reste du jour. Les enfants reçurent l'injonction d'exposer les œufs au soleil afin qu'ils conservassent leur chaleur naturelle. Mais je n'étais pas peu embarrassée de savoir comment nous parviendrions à les garantir de la fraîcheur du soir. Nous ne tardâmes pas à atteindre la rive du petit étang où les chiens s'étaient désaltérés le matin. Cet étang paraissait alimenté par quelques sources souterraines et donnait naissance à un petit ruisseau. Tout le voisinage était couvert de traces récentes d'antilopes, de buffles et d'onagres, mais nous n'y reconnûmes aucun vestige de serpent, ce qui était plus important pour nous. Nous profitâmes de la fraîcheur du ruisseau pour prendre quelque nourriture et remplir nos gourdes vides. Pendant ce temps, le chacal avait tiré sur le sable une masse ronde et noirâtre qu'il s'apprêtait à attaquer avec ses dents lorsque son maître la lui arracha pour me la faire examiner. Je m'emparai de l'objet et après l'avoir débarrassé du limon qui l'environnait, je reconnus avec étonnement que j'avais entre les mains une créature vivante. C'était une tortue de terre de la plus petite espèce, grosse comme une pomme ordinaire. Fritz, comment cet animal peut-il se trouver à une si grande distance de la mer ? Le fait me paraît incroyable. Moi, par une raison toute simple, c'est que l'animal que tu vois est une tortue de terre, de celles qui se tiennent dans les étangs et dans les eaux dormantes. Elles vivent parfaitement dans les jardins, où elles se nourrissent de salades et d'autres herbes tendres. Jack, il faut en apporter quelques-unes à maman pour son jardin et en chercher une pour notre cabinet d'histoire naturelle. Et se mettant aussitôt à l'ouvrage, ils eurent bientôt rassemblé une demi-douzaine de tortues que je plaçai dans ma gypsière. Nous continuâmes à nous entretenir des mœurs de ces animaux, et j'ajoutai qu'il était difficile d'expliquer leur présence primitive dans ce lieu, à moins de les y supposer transportés par la voie des airs. Ernest et Jack, il faudrait être bien crédule pour le penser. Moi, souvent l'invraisemblable est bien voisin de la vérité, mes chers enfants. Ne pouvez-vous pas supposer, par exemple, la première tortue transportée en ce lieu dans les serres d'un oiseau de proie, sauvé par hasard de sa rapacité et devenu le germe d'une nombreuse postérité? L'homme serait bien embarrassé d'expliquer la présence des animaux dans la plupart des endroits où on les rencontre de nos jours, car il est impossible de supposer que chaque espèce ait été créée au lieu même qu'elle occupe actuellement.